Directement dans les Esgourdes, c'est du bonheur en branche, c'est des giclées un peu partout. C'est, mesdemoiselles, pour vous, une pénétration sublime qui va vous emporter au 7e ciel. Et oui, c'est Lune de Fiel, 43 57 69 70, c'est le numéro de téléphone à composer. Si vous désirez passer à l'antenne, si vous désirez participer, intervenir, ou tout simplement parler de vos fantasmes, de votre sexualité ou de vos problèmes sexuels, car rassurez-vous, il n'y a pas que des problèmes, il y a aussi des solutions, et nous sommes là pour les trouver ensemble. 43 57 69 70, c'est pour vous le numéro de téléphone que je vous laisse pendant 2 heures pour cette sublime émission. Ah ça, vous en faites un joli métier, docteur. C'est aussi le numéro de téléphone si vous avez des petits problèmes de cœur, si vous voulez parler de vos fantasmes, parce que vous avez certainement des fantasmes, vous avez des envies. Qu'est-ce que vous avez? Allez chercher bien fort, bien loin. Qu'est-ce qui vous excite au plus profondément de vous-même? Ah, 43 57 69 70, c'est le numéro de téléphone à composer. Nous avons reçu cette semaine beaucoup de courriers et surtout des commandes de badges. Alors c'est des centaines. Tiens, tenez ma petite Zaza. Voilà, je vous ai mis un casque qui fonctionne. Voilà, vous en, ça fonctionne, mon ange. Attends, je vais vous donner ce micro, ce sera beaucoup mieux. Voilà. Voilà, un déménagement. Oh, du bonheur. Voilà, ça va alors, comme ça. Il paraît qu'il fait très froid aujourd'hui sur Paris. Vous avez senti, vous? Oui, et là, c'est chaud d'un coup. Ah, vous êtes, vous revenez d'où, là? Un petit peu plus fort, peut-être, pour Zaza, parce qu'elle est un peu sourde. Voilà, ça vous va comme ça, mon ange? Ouais. Voilà, c'est divin, mon chéri. Un peu plus fort, le retour, parce qu'elle n'entend pas. Voilà, ça, tu entends, là? Parle-moi alors. Voilà, tu es inoculé. Oui. Tu es une grosse pouffe. Ah oui. Voilà, tu voilà. Mais non, j'entends rien du tout. Plus. Pas du tout. Bon, alors prends le mien parce que sinon ça va pas aller. Ah bah oui, là j'entends. Elle est sourde. Ah non, mais écoutez, ah non, mais franchement. Ah, tu es d'accord avec moi? Mais non, mais attends, il est débranché. Parle. Ah bon, s'il est débranché, c'est différent. Parle à notre public adoré. Eh bien, public chéri, il paraît qu'il neigeait sur Paris, alors tombe la neige, tout ça, un hommage à Adamo, on était tous ravis. Ouvre mon courrier en même temps. Qu'est-ce que vous nous avez manqué pendant une semaine? J'ai pensé à eux tout le temps. Chose promise, chose due, bisous. Ah ben j'ai pas de choses comme ça, c'est très bien. Bah alors il n'y a plus de casque qui marche, bon c'est pas grave. On va le faire avec leur tour. Hein? Le pied marche. Ah ça y est, ça fonctionne maintenant. Non c'est bon. Voilà, excusez-nous, public en folie, public en délire, public chéri. C'est le début de l'émission, mais vous savez, comme c'est une radio un petit peu pour Aga, il y a toujours un peu plus fort dans le casque. Voilà, ça c'est parfait. Ah bah là c'est génial. C'est bien pour vous, hein. Oh bah alors. Voilà, alors un courrier énorme. Je vois des billets de 50 francs surtout. Voilà, alors un courrier énorme avec 90% de demandes de badges, des centaines de demandes de badges. Alors je suis sûr que vous êtes quand même des belles salopes et des beaux salauds, parce que vous avez quand même envie de vous rencontrer, hein. Envie de vous lichave, envie bien de vous schnécave un petit peu le pélo et la minge. Ah quel bonheur la jouissance. Ça vous emmène. Alors, dans le courrier, il y a une endive qui m'a mis un billet de 50 francs avec son blaze et qui n'a même pas été capable de me foutre son adresse. Alors, c'est marqué « Je respecte les conditions mises en œuvre par Future Génération ». Ça a été signé par 4 personnes. Alors, signature de mon docteur, signature de ma femme, signature de la concierge, signature du titulaire avec E-R-E. Et, oui, oh bah mais, ça, et alors c'est phonétiquement. Il y a Nema, Mustapha, Pascal. Alors, si celui-là se reconnaît, qui m'envoie son adresse ou qui téléphone là tout à l'heure en me donnant son blaze ainsi que son adresse. Voilà, alors ça, alors dans les lettres. Alors comment ça va? Devinez qui c'est. Ah ben voilà. Benjamin, Cécile et Sophie. On espère que cette fois, cette lettre va être lue. Que vous passerez notre lettre à l'antenne et que vous nous répondrez mardi. Vous avez dit qu'on pouvait commander les badges maintenant. Oui. Alors, on vous envoie nos chèques. Sinon, pourquoi vous ne voulez pas nous envoyer les 3 photos qu'on vous a demandées de Pascal, David et Zaza? On voulait vous dire que votre émission est super bandante et qu'on vous aime. On s'entraîne à parler... comme vous, salon d'Yves. On vous envoie une photo du docteur Ruth, grosse pute en chaleur qui fait 1m47. Bah, c'est très bien, mais j'espère qu'elle va pas marcher sur la ficelle. Hein, quand même. Tu sais, les naines, j'ai expliqué la semaine dernière pour les naines, il y a des tampons spéciaux. Hein. Ainsi, on a un copain qui s'appelle Renaud Bernard et sa bite ne fait que 10 cm, il est désespéré. Voilà, alors ça c'était une lettre que nous avons reçue. Nous avons reçu aussi une lettre d'un un dicton. Chagat beurré, bouge-toi le nez. Le public. Voilà. Alors, il y en a un autre qui est bien gras. Vas-y. Qui se branle la nuit reste collé au lit. Voilà. Oui, ça tu l'avais déjà quand même beaucoup annoncé. Ah bon, bah, je l'avais quand même avancé, mais celui-là il en a fait un dicton. Alors bon, ils ont tous demandé des badges. Il y en a plus de 1000 qui sont demandés. Alors, ce qui est bien, c'est que toutes les commandes de badges se font toutes en même temps. Comme ça, tout le monde va les avoir en même temps et tout le monde va se rencontrer en même temps. Alors, je vous expliquerai tout à l'heure de quelle façon commander les badges, de quelle façon faire pour les avoir le plus rapidement possible. Alors, tous ceux qui ont commandé les badges, rassurez-vous, ils partiront vendredi. Nous les recevons vendredi, donc vous les aurez dès samedi matin si vous ouvrez votre boîte aux lettres ou lundi. Lundi au plus voilà. Tard, alors, oui, c'est ça. Alors, 43 57 69 70 43 57 69 70. Mais en fin de compte, c'est pour qui cette émission? Je crois que c'est pour les enculés, les enculeurs, et puis ceux qui rêvent d'être enculés et ceux qui rêvent d'être enculeurs. Et puis aussi ceux qui sont amoureux, ceux qui sont tendres, ceux qui sont chaleureux, ceux qui n'ont pas encore eu de plaisir et qui aimeraient bien aller à la découverte de ça, qui ont essayé tout seuls. Il y en a beaucoup qui sont restés collés au matelas. Et bêta multispire, enfin je sais pas, tréca, trois fois, mille fois, merci. Voilà, alors j'ai reçu aussi une lettre, bon, alors parmi tant d'autres, alors je les prends au pif, hein, comme ça. Salut les Narvalos, j'espère que ça chnicave bien dans le studio. Ouais. J'embrasse très fort Pascal sur la lèvre droite, celle d'en bas, Zaza sur le boule et David sur la botte. Merci pour les badges, vous avez le droit à une bite chacun et à une chatte pour David. Ah, il nous a fait un dessin. Et il précise que schnikavé, c'est sucer. C'est pour ceux qui ne suivent pas l'émission toutes les semaines. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on a encore? Oh, voilà, les une au pif encore. Salut, bande d'enculés. Je m'appelle Devric. Je vous écoute depuis le début. Je n'ai malheureusement pas pu avoir un t-shirt et je déplore fortement. Sinon, je trouve votre émission tout simplement sans ça. Et je trouve super que vous abordiez de tels sujets et le taux de conneries n'est pas de trop en notre temps. Ah. Vous faites un joli métier. De plus, je suis sûr que c'est Vida qui fait le docteur Ruth. Ah, ça, je ne sais pas. Ça, on le saura en éliminatoire. Hein. J'aimerais avoir des tofu dédicacés de David, Zaza et Pascal. On vous enverra jamais de photos dédicacées tant que vous vous tiendrez comme vous vous tenez actuellement. Hein, parce voilà. Que ça, c'est pas possible. Je vous fais... Non, mais ils nous prennent pour Christian Morin et tu sais pas, voilà. Les endives qui font quoi? Le juste Sophie prix. Poirel, je sais pas. Non, mais ça m'amuse. Tellement. La juste pipe, 94.4. Je vous fais de grosses pipes et tout, c'est illisible, je n'arrive pas à lire. On ne peut pas être de mouche, oui, c'est vrai. Voilà. Ce délicieux badge, en espérant m'en servir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Source, Zaza. Je souhaite vous féliciter pour ces 2 heures de bonheur tous les mardis de 22h30 à 0h30. En outre-partie, avant l'émission, pourriez-vous faire un récapitulatif des mots d'origine manouche qui sont trop bien pour brancher. Je vous explique, les nanas ne comprennent rien. Alors, elles demandent des renseignements. Donc, c'est un moyen comme un autre de converser. Et surtout comme un autre. Et comme un autre donc. Sinon maintenant, vous êtes célèbre pour toute l'université Paris 5 qui vous écoute avec attention. Encore bravo à Lune de Fiel, David et Zaza Pascal. Et en espérant 2 fois par semaine avoir l'émission. Je sais, c'est toujours mauvais d'abuser des bonnes choses. Oui, il faut user mais pas abuser. Hein. Mais voilà. Moi j'ai un peu abusé. Oui. Encore merci les enculés. Mais pourquoi on nous traite d'enculés comme ça? C'est un mot d'amour, je crois. Non. Non, je crois qu'un enculé, c'est un mot d'amour. Alors, l'envoi non, des non. Badges doit se faire. Ah bon, ben ça, c'est l'adresse, c'est le blaze, tout ouais. Ça. Alors, bon, on va avoir d'autres vocabulaires à vous communiquer tout à l'heure. parce que là, c'est petit peu par petit peu. Il faut qu'on vous l'apprenne petit peu, parce que si on vous en dit trop d'un coup, après, vous n'arrivez plus à le retenir. Alors, il y a quelqu'un qui me demande pour les mots manouche. Alors, on vous refait un petit cours en 2 minutes. Alors, sucer. Alors, pour lécher. Lichave. Lichave, voilà. Alors, une chatte, c'est minge. Alors, manger la chatte ou licher la chave, Alors, pour manger la chatte... C'est lichave la minge. C'est lichave la minge. Mais vous pouvez, lichave, au lieu de la lécher, je vais vous rapprendre encore d'autres mots. Ouais. Si, au lieu de la lécher, vous voulez la manger. Voilà, manger, c'est criave. Criave. Voilà, criave. Alors, au lieu, on peut, quand vous mangez une chatte, si vous êtes très énervé, vous ne léchez plus une chatte, vous la mangez. Alors là, c'est criave. Mais avant de la criave, il faut la lichave. Eh ok. Oui. Alors donc, la chatte, c'est la minge. La bite, c'est le pélo. Pélo. Le cul. Le cul, c'est le boule. Une pipe, c'est schnikave. Une petite schnikave dans ta bonne bouche, ma copine. Pourquoi tu me regardes comme ça? Hein? Comme si j'étais spécialiste. Alors ma copine, ça va là? T'as dit cave son boule au gadjo? Alors, regardez. Voilà, dicave la racli. Regarde la fille. Dicave la gadji, c'est pareil. Regarde la fille. À la place de fille, si c'est un garçon, c'est raclo ou gadjo. Gadjo. Enculé. Pougnave. Ça, c'est une chose que j'ai jamais faite. Mon avocat, qui est le même avocat que Thierry Paulin... Attends, qu'est-ce qu'on pourrait leur infliger d'autre comme, qu'est-ce qu'on pourrait incinérer? Oui, vous avez peut-être fait une infusion, là, en disant incinérer. Oui, peut-être une infusion. Oui. Je crois bien que c'est ça. Alors, écoutez voir un peu. Regardez, regardez. Ah oui, comprendre. Alors, il a entravé que chi. Il a compris rien du tout. Il a rien compris. Il a entravé que chi. Alors voilà, je vais vous faire une phrase complète. Vas-y, la racli, elle est michto. Tu peux bien la bouillave et la pougnave. Elle m'a bien lichave le pélo. Elle m'a bien criave le boule. Et puis de toute façon, elle a entravé que chi. Donc c'est même pas la peine de la payer sa rave. C'est même pas la peine de la payer. Ouais, c'est même pas la peine de la payer sa rave, c'est une narvali. Voilà, vous avez entravé que chi. C'est on, vous avez entravé? Non, que chi. Bon, bah c'est bon. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour une projet. Attendez, parce que là, j'ai quelque chose à prendre tout de suite. Et ça, c'est pas une fusion. Si vous voulez que l'émission se passe très bien, il faut être très gentil avec moi. Passe-moi la paille, David. Voilà. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a cher. Cher, parce ça veut que dire beaucoup si vous d'argent, non? Si vous payez sa rave, il faut payer sa rave pour l'ichave. Hein. Alors donc, des fois, c'est un peu couche. Alors quand c'est cher, c'est couche. Faut dire c'est couche. Alors voilà, vous récapitulez. Alors maintenant, la bite, très bien. Le cul. Non mais, c'est eux qui doivent, c'est les auditeurs, ils doivent parler chez eux. Pas beaucoup, oui. C'est comme les cassettes en anglais. Oui, j'ai compris. Alors, la méthode à 10 000. Voilà. Maintenant, mais là, c'est la méthode à 10 000. Maintenant, nous allons répéter ensemble. Boule. Le cul. Pélo. La bite. Bon. Number one is a duck. Number two is a shoes. Number three is a free. Number four... Voilà. Alors, après ce magnifique cours de Nouchma, ça, le verlan, vous savez tous le parler. Dans les prisons, vous savez parler verlan? Oui. Vous pouvez me répondre avec votre petite cuillère, que vous tapez très très fort contre le mur. Si vous êtes dans votre voiture et vous roulez sur le périphérique, sur la route, tout ça, phare totalement éteint, vous pouvez vous faire un grand grand signe, ça veut dire que vous êtes tous des enculés dans votre voiture et vous écoutez Lune de Fiel. Mais dans quelques instants, vous allez commencer à avoir quelques crampes dans le ventre et il serait quand même très dangereux de continuer à conduire après toutes les conneries qu'on va vous sortir. Voilà, le numéro de téléphone 43 57 69 70, 43 57 69 70 et rassurez-vous, pour ceux qui ont envoyé l'argent pour les badges partent vendredi. Alors, je vous expliquerai tout à l'heure pour les commander, de quelle façon faire. Ça, c'est divin. Alors, nous avons un auditeur en ligne et nous allons commencer tout de suite. Allô ? Allô ? Bonjour. Oui, bonjour. Quel bonheur de vous avoir parmi nous ce soir. Oh non, c'est rien de le dire, c'est un bonheur pour moi. Quel est votre prénom, mon ange ? Pascal. Pascal. Salut Pascal. Et salut. Tu as quel âge ? 31 ans, demain. Mmh. 31 ans. Oh. Et demain en plus. Ben, happy birthday. Merci. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Les bougies dans le cul. Et non, non, pas vraiment. Non. Pas vraiment, mais presque. Ça a commencé, mon petit truc, à l'armée. Ah. Le trou du cul est sensible ? Non, pas vraiment non plus. Non. C'était donc un petit peu involontaire. Involontaire déjà moi-même à l'armée. Et donc, lors d'un petit accident, je me suis retrouvé en infirmerie. Et puis, un sergent s'est un peu abusé lors d'une anesthésie, quoi. Une anesthésie d'où ça ? Une anesthésie générale ? Pour moi, oui, enfin, pas vraiment générale, non, j'étais complètement le coltard, quoi. Il t'a juste anesthésié en dessous de la ceinture ? J'étais, moi, anesthésié au-dessus, mais lui... lui, pas du tout, il n'était pas anesthésié du tout en dessous. Et puis, bref, depuis ce jour-là, je fais un fantasme, et j'ai envie de me taper une nana, moi... Par contre, une nana en uniforme. Voilà, alors que ça peut être la simple fliquette jusqu'à... L'infirmière Non, c'est pas vraiment d'uniforme, ça m'est déjà arrivé, c'est l'infirmière, c'est pas... Mais ceci découle d'un rapport quand même à tendance. Oui, mais non, mais il m'a foutu une horreur, déjà j'avais une sainte horreur de l'uniforme. Oui. Alors là, il m'a carrément... Converti. Tu veux dire qu'il t'a enculé ? Si on veut. Un homme. Ah, si on veut, non. Si on veut, si. Un homme est rentré dans ton derrière. Parce que, bon... Et il t'a envoyé tous les petits. Je te dis, j'étais vraiment une semi-inconscience, et c'est que le vrai... Oui, ça, non. À chaque fois qu'il y a un hétéro... Oui. ...qui se fait un cum pour la... Alors, soit c'est... J'étais bourré, je ne savais plus ce que je faisais, on m'a drogué, j'ai fumé un pétard, ou on m'a filé un ecstasy dans mon verre, ou je ne savais plus, je ne sais plus. Oui, et non, puis voilà. Tout l'excuse. Et après, ils ont envie de recommencer. Pas à boire, à se faire enculer. Non, mais là, j'ai plus envie. Là. À chaque fois, il y a cette excuse. Et qu'est-ce que t'es quand même sensible du trou, hein ? Ah bah, tout le monde. Ne prends pas ton cas pour une généralité. Non, mais tout le monde, je pense. Dans le public, ils sont tous sensibles du trou. Beaucoup, tout au moins. Ils sont assis sur des godes, là. Non. Et ils n'arrêtent pas de gigoter pour que ça rentre bien à l'intérieur. Il n'y a pas de siège avec des godes. Tu sais que si vous... ne venez pas comme ça à l'improviste, parce que des fois on se retrouve à 50, il y a des fois on se retrouve à 3, on ne sait plus avec combien de personnes on va faire l'émission, donc prévenez-nous avant de passer, qu'on prenne vos coordonnées et tout, et qu'on vous donne l'autorisation. Ne venez pas comme ça à l'occasion, hein, parce que vous passez devant. Parce que dès que vous passez dans la rue, ça commence à sentir le foutre. Putain, si les rues... Il y en a qui sont attirés, ils s'arrêtent devant la voiture et ils disent « Mais ça sent drôle, ça sent quelque chose que je connais. Ouais, » On peut venir au flair. Et ça sent le trefou. Et je te dis pas, les mecs, pour vider les poubelles, c'est un autre camion qui vient pour vider les poubelles de la radio. Il est en caoutchouc, non ? Non, c'est un poubelle avec jet d'abord et tout, et des hommes en combinaison et tout ça, style Tchernobyl. Et ils viennent comme ça, mais ça sent le foot de très très loin. Déjà au numéro 1 de la rue, ça commence à sentir. Jusqu'au numéro 90. C'est affreux. Si les rues étaient pavées de bites, moi je crois que ce serait cul-de-jatte. Hein. Ah oui. Écrasons-les. Bon, ça c'est un gag évidemment, c'est pas alors... vrai. Qu'est-ce qu'on peut sortir comme horreur ? Mais c'est pour... Alors moi je me suis dit l'autre jour, je suis sûr que je n'irai pas au paradis, je vais aller directement en enfer. Et ils m'ont choisi là-bas, je leur ai écrit, ils m'ont dit de toute façon vous n'irez pas au paradis, vous irez en enfer et vous serez trésorier là-haut. Je serai trésorière, trésorière principale là-haut en enfer et tout. Alors je vais rejoindre la naine, le luron, la coluche, tout ça, toutes celles qui ont dit des horreurs pendant des années. Et là-haut elles Fernand sont... Fernand Reynaud aussi, oui. Bon, Pierre des proches. Oui. Écoute, hein. Qu'est-ce que les principaux, hein. Ah voilà. Alors moi j'irai directement là-haut. Claude François et Maïvran. Dalida. Moi, je veux mourir sur scène. Non, on va pas chanter maintenant. Attends, après, on attend un peu pour chanter. Occupons-nous un peu de la clientèle élégante et aisée qui nous appelle. Voilà. Pascal. Oui. Donc, alors, tu t'es fait enculer par un cum pendant que tu étais rebou. Ouais. Et maintenant, tu veux te faire une meuf. Voilà. Oui, je ne vois pas le rapport. Mais alors, surtout, comme je te dis, en uniforme. Ouais. Mais alors, bien en dessous et tout, ce que je veux dire, c'est-à-dire l'uniforme plus porte-jartel, etc. Non, mais lui, il avait une... Non. Quelque chose de classe, moi, je veux, pour une affaire vraiment, mais violemment. Et tu aimerais te faire dominer, ou... Non, mais je veux faire un peu la même chose, pas de raison. Tu veux te venger. Si on t'a fait à toi, tu aimerais bien le faire à quelqu'un d'autre, en fait, c'est ça. Ouais. Et au moins qu'il y a du kaki ou du verbe gris, c'est bon. Mais qui vous l'a dit ? Il y a une notion de vengeance, quand même. Ah oui, tout à fait. De revanche. Tout à fait, ouais. Et tu peux nous expliquer le joli petit physique ? Du mien ? Oui, la petite poupée de rêve devant la glace. Ni moche, ni bien. Oui. Ils ont physique un peu quelconque. Un peu sim. Hein ? Un peu sim. Non, pas quand même. Non, pas, non. Bon, il faut nous préciser. Pas à ce point-là. Non, 1m80. Jean Lefebvre. 1m80, 73 kilos. Ah, un bon gaillard. Et puis, Et le perchoir à dinde ? Alors là, moyen aussi. Hein. Non mais attends. Bon. Personnellement, j'en ai rarement vu beaucoup, alors je peux pas me beaucoup dire. De... Bien ou pas bien, j'en sais rien. À part moi dans la salle de bain. Mais t'en as pas vu beaucoup, mais t'en as senti une hein, aussi. Oui, voilà. Mais et celle-là était comment ? Je l'ai pas vu non plus. Et la pièce était tu comment ? Tu l'as pas vu, mais tu l'as senti. Non, même pas. Tu veux, je te raconte une histoire ? Vas-y. Oui, je veux bien. Non, bah attends. Je te la raconterai tout à l'heure, attends. D'accord. Je la raconterai après. Alors, non, parce qu'on va quand même s'occuper de toi pour le premier appel, on va... Non. Alors, donc, là, tu veux des femmes, mais s'il y a des mecs qui nous appellent et qui disent, voilà, Pascal, on a envie de le rencontrer. Qu'est-ce que tu réponds ? Pourquoi pas ? Ah, tu es quand même ouvert. Bien sûr, je suis toujours ouvert à tous les contacts. À des propositions, Hein ? Bah, pourquoi pas ? Mais le dialogue, c'est d'autre chose. Enfin, on peut causer avec tout le monde. C'est... Voilà. C'est ce que je voulais entendre, mais quand bien même. Sûr, mais... Là, le docteur, je suis pas un mec complètement fermé, quand même. Au contraire. Oui. Au contraire. Oui, tu n'es pas hermétique. Non. Non. Dis-moi, nous non plus. Lorsque tu te branles, Ouais. C'est bon d'ailleurs, oui. C'est délicieux. Hein. Je vais dire, quand tu tapes un bon rassis, quand tu te tires sur l'asset, quand vraiment tu t'attaques bien l'arête, vraiment tu tapes sur la colonne comme il faut, c'est délicieux. Et en plus, tu baises avec n'importe qui. Et puis, il n'y a pas de danger. Et puis, tu risques pas d'être déçu. On risque pas de demander de l'argent après. Voilà. Il y a quand même plein de bonnes choses. Je crois que je vais me convertir à ça. D'abord, en 76, j'ai été muré, voilà. Plâtré définitivement. Voilà. Jamais elle a essayé avec sa Black & Decker. Et c'est un démon de pneu qu'il a. Ben oui, mais... Un démon de pneu de tracteur. Il avait sa Black & Decker, moi je lui ai dit que je la préférais... Mais il t'a bien promis. Hein. Blanche et droite. Et le marteau-piqueur. On a soulevé une première couche. Voilà, mais il y avait des poutres un peu, hein. Apparente, hein, oui. Comme les appartements de caractère dans le Marais. Vous savez, les appartements pourris, on dit c'est appartements de caractère. Et derrière, il y avait une jolie pouillerie, une galette, chérie, un fossile de daube. À mettre au musée de l'homme ou au palais de la découverte. Bon, alors, Pascal, on va réputicula, et on va le refaire le. Donc, des meufs en uniforme. Exact. Ou à la limite, des garçons sympathiques. Oui. Oui. Sans pain total pour t'anesthésier. Ah oui, non, je préfère. Là, tu veux être absolument conscient pour bien savourer chaque Je préfère être bien conscient bonheur, quand même. Hein. Oui, bien. Je vais te donner une marque de crème pour t'anesthésier le fion. Pour t'anesthésier le fion. Ça s'appelle de la xylocaïne visqueuse. Ça s'achète alors, chez Ricazaraï. Non. Non, tu vas dans c'est une... Non, non. C'est expérimenté par Gloria Lasso. C'est ce que je propose à mes patients. lorsqu'ils sont très sensibles du trou. Daniel Gilbert m'a donné la recette. Hein. Voilà. Ça s'appelle de la xylocaïne visqueuse, il faut une ordonnance pour ça. Et ça t'endort le trou. Et après ça s'ouvre. Mais si s'endort, on n'a plus de sensation. Bah oui, mais non, mais c'est au départ pour pas que ça fasse mal. Et après, ah, oui, c'est, après c'est, la... c'est un indolorant. Voilà. Ah d'accord. Okay. C'est que voilà, ce que vous dites n'est pas faux. Et pour la bouche, on fait rien. Vous avez mal des fois à la bouche, quoi. Mais à un moment, il y avait des gens qui me faisaient prendre des choses dans le nez, et alors j'avais la bouche comme paralysée, comme quand on va chez le dentiste. Ah, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. On m'a dit que c'était de la farine de manioc. Ah, c'est... Au Brésil, beaucoup, non ? C'était au Brésil, c'était au Brésil. Ah, voilà. Alors, je ne sais pas, moi, je voudrais savoir, vous qui avez beaucoup voyagé... Je ne connais pas. Saint-Ouen, Charenton... Sarcelles, Garges-lès-Gonesse... Saint-Ouen, Aubervilliers, Gennevilliers... Il faut toujours parler aux gens qui ont voyagé, tu vois, ce sont des puits de science et d'expérience. Tu es d'accord avec moi, Jamel ? Jamel est mon nouvel assistant, vous avez je vu ? Je sais, c'est votre secrétaire. C'est mon secrétaire. Vous, est-ce que vous embrassez tous les garçons qui nous écoutent de Fresnes, à Santé, Fleury, tout ça ? Je les embrasse très très très très fort. Il paraît que ton métier, le métier que tu voulais faire, à part écrivaine, oui. C'était aumônière. Oui. Aumônière dans les prisons. Visiteuse. Visiteuse. Ah ben, un jour j'ai visité tellement longtemps que je suis resté 3 mois quand même. C'était le temps de visiter, c'était normal, visiteuse. Non ? Alors, tu rentrais dans les cellules et toc, puis toc, tu leur parlais, tout ça, tu leur disais que... Le dialogue était très vite interrompu parce qu'on mettait un tampon dans la bouche. Ah voilà, on vous empêchait de parler. Et alors... vous avez jamais essayé, voilà. Et on vous envoyait tous les petits dans le bec. Quand je pense à tous les enfants qui sont morts là-dedans, dans les intestins, des centaines de millions, tout ça dans l'appareil œsophagique. Qu'est-ce qu'il y en a qui prennent dans le fion quand même ? Tous ces et petits, en gueule, et en gueule. Tous ces petits qui sont gâchés dans les trous du cul. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'enculent. Moi, je vais te le dire. Non. Ça, je vais te le dire. Non. Ipsos, la croix. Et c'était avec... Javel ? Non. La Croix et, je ne me rappelle plus, le syndicat des alcoolos d'Île-de-France ont fait un rapport. Il y a énormément d'enculés. Des centaines de milliers. Non. Et tout ce sperme est gâché, chérie. 300 millions de spermatozoïdes à chaque giclée. Et celui-là, il me file le... Tu veux que je fume un ticket de métro ? C'est mon deuxième assistant. Carrément, il me file un filtre allumé qui flambe. Et si vous voulez, vous m'apportez des cierges aussi. Vous en avez bien besoin, docteur David. Parce que vous êtes en grand état de péché, je peux vous le dire. Je vous dire, donnez-moi un peu ce filtre de métro. Je suis parti aller brûler 3 cierges. Pour que tout se passe bien pour moi, parce que... Tu sais. Mais les cierges, il fallait les mettre devant les saintes dans les églises et pas où tu les as mises. Bah, je les ai mis devant ma banque. Ah ! Devant le guichet de carte bleue. Oui, David est un prénom un peu à consonance judaïque. On a compris. Voilà. Alors, Pascal, on va passer ton message, mon ange. D'accord, je te remercie. Hein ? Et donc, je pense que tu vas avoir beaucoup d'appels. Oui. Je le pense. Sincèrement, et j'espère que tu vas rencontrer l'amour et que tu t'en arrêteras là, parce qu'il faut pas quand même non plus utiliser toute la clientèle. Hein. Quelque chose de bien te suffira largement, et puis pas besoin d'anesthésiant, tout ça, ce sera délicieux. Et si toutefois tu as de bons rapports, tu nous rappelles pour nous expliquer un petit peu. Nous fais pas des gros trucs comme ça épais, on dirait des baguettes. Et 43 57 69 70, 43 57 69 70, c'est le numéro de téléphone à composer si vous désirez contacter Pascal, qui a 31 ans et qui recherche des aventures avec des jeunes filles ou en des uniforme, garçons en uniforme. En uniforme. Voilà. Alors je vous rappelle que pour commander les badges, ces magnifiques badges que vous allez avoir sur votre joli petit corps. Alors vous pouvez les mettre soit sur votre épaule, soit devant, sur votre cœur, sur vos seins, sur un sac à dos, tout ça. Hein ? Ah oui, vous en faites un joli métier. Et vous avez envie de rencontrer des camarades, vous avez envie d'un peu de communication. Eh bien ces badges vous aideront à communiquer, à rencontrer les personnes. Voilà, vous aideront. Tout le mot colombin qui arrive. Vous aideront à communiquer. communiquer et à contacter les personnes qui, comme vous, aiment Lune de Fiel. Vous faites partie du club Lune de Fiel et avec ces badges, eh bien, plein de bonheur, plein de gentillesse, plein de jouissance certainement. Et c'est autant pour les garçons que pour les filles, autant pour les hétéros que pour les homos, autant que pour les vieux que pour les jeunes, autant que pour les riches que pour les pauvres. Et dans les intersexuels comme moi. Pour les bisexuels. Moi, je suis comme, non, intersexuels, on aime tout. Ah, vous aimez tout? Tout. Eh bien, vous mettez un badge, ça vous suffit. Et les chèvres, elles répondent? Et les chèvres répondent. Les cochons aussi? Il y en a qui ont commandé beaucoup. Le zoo de Vincennes m'a commandé beaucoup. Ah bon, ça va. Beaucoup. Les singes mettent ça sur leur cure tout rouge. Voilà. Alors, pour commander les badges, c'est très simple. Ça coûte 50 francs. On pour a combien? Un? Trois. Mais, attention, il faut respecter une chose. C'est respecter. Il n'y a rien de respectable là-dedans. Et de faire un petit clin d'œil, un petit signe, un petit coup de tête, pas un coup de tronc dans la tronche, non, un petit coup de tête, un petit hochement comme ça, salut, bonjour, ok, on est du même club, c'est homme, je t'aime, tu m'aimes, nous aimons, mangeons du jambon. Et donc, voilà. Alors, un petit signe, une petite gentillesse, un petit sourire, un petit clin d'œil, et aussi, si vous avez trois badges, il faut en offrir un à une meuf. On offrira à une fille. Donc, trois badges, il faut en offrir un impérativement, celui que vous aurez choisi sur les trois, parce que les trois sont différents. Hein. Mais vous verrez, ça parle de beaucoup de choses. Ce n'est en aucun cas vulgaire, ça ne peut en aucun vous cas... Vous êtes sûr que... Ça ne peut en aucun cas être compris par quelqu'un... Qui n'est pas initié. Okay. C'est-à-dire que les gens vont voir le badge... Le fils dire... Pelin, il risque pas de... Non. Alors les gens, mort, savez, ouais, les gens vont voir les badges, ils vont se dire mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, c'est... Alors après à vous de répondre et de commencer et d'engager la conversation qui vous arrange. Alors les trois badges, c'est 50 francs, vous pouvez les envoyer par chèque ou vous mettez 50 francs en liquide dans l'enveloppe. Mais en aucun cas des mandats et en aucun cas des mandats. Voilà, et en aucun cas des mandats. Donc 50 francs et liquide. Et en aucun cas des mandats. Voilà. Ou 50 francs en chèque bancaire, Posto ou Tintin. Et vous les envoyez alors à Lune de Fiel, David et Zaza, 21 rue de la Chapelle, 75 018 Paris. Lune de Fiel, David et Zaza, 21 rue de la Chapelle, 75 018 Paris. L'ordre du chèque, vous mettez David Girard, sur l'ordre du chèque ou GDG. C'est encore plus simple et plus rapide. Alors je récapitule. C'est votre 50 francs. De presse. Voilà, c'est ça, c'est mon secrétaire. Alors, je rappelle, 50 francs en espèces, 50 francs en chèque, vous recevrez... Alors maintenant, pour ceux qui les envoient rapidement, vous les recevrez lundi ou mardi. Voilà. Alors faites vite, il y en aura pour 5 semaines seulement des ventes de badges. Et là, c'est inépuisable après, parce que vous pouvez les amortir avec plusieurs jouissances. Même si vous jouissez 5 ou 6 fois, vous ne devrez rien après. Il y a en salle de vente, après ça va valoir une fortune. Une fortune. Parce que même si les gens jouissent beaucoup, après ils ne nous doivent plus rien. Ils se sont acquittés des 50 francs et après ils ne nous doivent plus. Hein. Parce qu'au départ, coup, je voulais faire la formule, je lui dis... Les plus grosses buts, on ne pourra pas des fois. Et les plus belles chattes, on ne pourra pas un peu des fois. Quand même. Après. La reconnaissance du bas-ventre. Voilà. Hein. Alors si vous jouissez beaucoup, après vous venez avec vos tubs, vos touches et tout. Et puis on s'arrange, on essaye de faire... De marchander. Voilà, on essaye de mener un sabbat gras. On salue très vite au passage Fanny. Qui c'est Fanny? Une copine à mon... À ton copain? À mon quatrième assistant. Ah voilà. Et je salue la petite peste aussi. Ah, la petite peste est parfaite. Et le petit Toufi qui est toujours demandé par sa maman, ayant des surgelés. Voilà. Et Berthe, ma copine Berthe, que j'aime beaucoup. Voilà. Oh, la foire du trône, t'as vu? Trois petites pépées qui se sont décrochées dans le nouveau manège. Et toi qui voulais m'emmener? Je savais que tu voulais te débarrasser de moi, mais je pensais pas que tu voulais faire... Mais est-ce que tu vois l'horreur? Tu vois tourner le manège et tout, tu dis bon bah je monte, ça fait un peu peur, et t'en vois trois qui dégagent. Et c'est passé le 1er avril. Et les gens croient que c'était des poupées gonflables. Et après ils ont vu que ça giclait de partout, et le mec il continuait le manège, il croit que c'était un plan qu'on lui faisait. Hey, tourner manège. Et après ils ont vu les ambulances, les pompiers arriver et tout, un steak tartare. L'autre qui avait carrément son sac à main rentré dans le fion tellement qu'on lui avait appuyé dessus. C'était une horreur. Mais il y a eu des décès, non? J'ai... Il y a eu un décès quand même. Personne. Et deux blessés très graves. Quelle horreur. Hein. Et dire qu'on y était la veille. Heureusement qu'on est monté le 30 avril. Oui, mais ça, c'est la chance qui échoue uniquement aux enculés. Voilà. Car l'une de fiel vous protège. Vous savez que si vous avez les badges ou si vous avez les t-shirts, vous êtes protégé ad vitam aeternam. Nous vous protégeons. C'est en fin de compte un porte-bonheur. C'est comme la croix bitaphore. La croix bitaphore vous apporte le bonheur, la richesse, la sensation et les jouissances. Ça, c'est bien meilleur que toutes ces plantes que vous mettrez dans le cul, tout ça. Ça vous protège à tout jamais. Ah. Et ça apporte la communication en plus. Ah oui, ça oui. Ah, beaucoup. Parce que vous avez besoin de communication. Des fois, il est difficile pour vous de contacter, ne serait-ce que même des copains ou des copines. Eh bien, voilà, on vous aide avec le club Lune de Fiel à contacter, à faire des amis, à faire des camarades, à faire des connaissances. Et là, je ne rigole pas, je suis très sérieux, parce que tout ce que je vous dis est la vérité, ce que je dis n'est pas faux. Ok ? Parce que sinon, je me tire, moi, hein ? Il y en a marre ! Vraiment, non mais, pour qui ils me prennent ? Je ne suis pas celle que vous croyez. Bon, je vais vous chanter une chanson. Allô ? Oui, bonjour, je suis le docteur Ruth. Et je voulais vous dire que David et la copine Zaza, il a fait beaucoup de choses pour les badges. Badge, c'était le badge. Les badges de russe, oui. Ah, et le badge, c'est beaucoup bien, beaucoup, very much pour le penis. Et le penis, c'est le minge. Beaucoup les minges et beaucoup les la boule. C'est très très bon. Et le fiche. On nous signale qu'il y a une nuit de la moule joyeuse le 12 avril. Où ça ? Au syndicat de la poissonnerie de Garches-Légonesse. Ah, et l'entrée est payante ? Faut apporter un petit courbouillon. un bouillon cube. Voilà, vous mettez un bouillon cube de votre chat ou de votre pine. C'est dégueulasse, mais vraiment on peut sortir des oreilles. Deuxième auditeur parce qu'on n'en a passé qu'un seul pour l'instant. Oui, on a. Non. Les... Un. Bon. Allô ? Chérie, non. Allô ? Quoi ? Hein ? Je vais faire un plan à Alice. Allô ? Quoi ? Allô ? Bonjour ! Bonjour ! Faut envoyer... Ça va ? Oui, très bien. Faut envoyer à Garachon, c'est... Bon, c'est Jacap. Oui, Jacap. Jacap. Eh ben, dis donc. Joli prénom, Henri. Un nom à coucher dehors avec un billet de logement. Sympa, ça commence bien. C'est un pseudo ? C'est un pseudo, exactement. Ah, et pourquoi Jacap ? Pourquoi Jacap ? Bah, c'est une expression entre copains et... D'accord, ça fait un peu tupoir, tu sais, c'est... Marque américaine de produits plastiques. Ouais. Alors. Bon, déjà, je voudrais vous dire que votre émission est super cool. Ah. Super sympa. Et pourquoi tu écoutes Future Génération et Lune de Fiel ? Pour rigoler, pour. Non, tu n'as pas suivi la semaine dernière. Parce que c'est la plus conne et la plus sexe. On vient de cracher un molar là. Qu'on pourrait rencoquiller à la Lorraine. Je vais te dire, ou bien. Ah, l'Alsace au Hall. Et t'as renvoyé les petits que t'as pris dans la gueule tout à l'heure. C'était d'une beauté. Tu rajoutais un filet de vinaigre, un demi-citron. Tu pouvais faire passer ça pour un une belon. Un coup de blanc dessus. Une belon. Une belon numéro 6. C'était une triple zéro, là, je peux dire. Bon, Jacques-Aps, ouais. Tu as quel âge ? J'ai 20 ans. 20 ans. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Un gros problème. J'ai rencontré il y a à peu près 2 semaines oui. Une charmante jeune fille lors d'une soirée. Oui. Et en fait, je me suis rendu compte quelques jours plus tard que c'était pas une fille, c'était un mec, c'était un androgyne. Il avait des seins ? Il avait une bite. Non mais est-ce qu'il avait des seins ? Est-ce que l'androgynie, elle commence où ? Elle commence en bas, disons. Ah bon ? Au pied. Elle avait des seins, mais... Ouais, mais à partir du moment où c'est androgyne... Non, tu dis en bas et tu parles des seins. Non, là, tu... non. Enfin, il a les organes d'un mec. Oui. Et au-dessus. Et au-dessus d'une fille. Il a des seins. Oui. Et... Ça existe alors. Malheureusement. Et... Pourquoi malheureusement il y a des gens à qui ça fait très plaisir. Alors, elle t'a dragué à quelque part ? Non, c'est moi qui l'ai dragué. Où ça ? Lors d'une soirée. Des camarades t'ont invité. Des camarades m'ont invité. Une partie. Par le biais de relations. Oui. Bon, ce qui fait que je me la suis faite. Semble la ken, ouais. Je peux dire. Bon, alors, voilà, j'aimerais bien savoir, et ça nos auditeurs également, comment tu peux dire « je me la suis faite sans Ken ». Ken, ça veut dire baiser. Alors, je me la suis sortie. Ah, tu te la suis sortie, tu te l'es sortie. Il lui a roulé des palots. Voilà. Tu lui as roulé des palots, tu lui as caressé les seins. Ouais, et c'est en fait chez moi, quelques temps après, en mettant la main à la patte, que je me suis rendu compte qu'il y que avait... Que, à la place d'une minge, elle avait un pélo. Il y avait un pélo, ouais. Il y avait un pélo. T'as senti un os. Un gros pélo. Ouais, c'était une... belle monture, hein. Elle bandait. Ouais, incroyable que les travaux mais tu sais, c'est peut-être, c'est peut-être le clitoris. Parce que moi qui suis une femme, j'ai un clitoris de 19 cm. Hein. Waouh. Ouais, c'est, non, c'est vrai. Et oui, mais c'est une... bon, mais c'est une infirmité. J'ai d'ailleurs... si je fais cette émission, c'est parce que je peux me permettre de ne pas travailler, en fait. Je suis très peu payé. Elle fait la foire du trône en ce moment. J'ai la foire du trône qui me paye d'un côté, et puis... l'État me donne pour infirmité, tu vois, une pension. Elle est infirme à 400%. Mais alors, dis donc, qu'est-ce que j'ai rentabilisé les 400%? Et elle a deux ovaires extérieurs et elle s'assoit dessus, ça lui fait des couilles. Ben, on dirait des couilles. Hein. Voilà. Mais je m'assois, ça fait coussin. Oh, ça doit être beau. Et ça fait turquerie. Mais en fin de compte, ce que tu t'es fait, c'est un velo. Ouais. Hein? Ouais. Et alors, tu t'as eu les glandes ou t'as continué à... Sur le coup, disons que ça m'a fait drôle. Alors bon, j'ai sorti un alibi pour sortir de la pièce. Ah, t'as pas essayé de te faire éponger ou quelque chose? Ah non, j'ai pas essayé de... Il y a peu de gaufrage. Hein. Rien du t'as tout. T'as tort, parce qu'en général, ça s'use mieux que les meufs. Hein. C'est vrai que ça s'use vraiment. Ça. Moi, je reçois du courrier, les gens me disent vraiment, ça s'use beaucoup mieux. Hein. Ouais, j'ai pas testé, quoi. C'est sublimissime, il paraît. Tiens, je vais même me faire sucer tout à l'heure par un... Je vais aller au WAB. Ah oui, hein? On va ensemble. Oui, on ira peut-être au Scaramouche aussi. On est sûr de se faire sucer par... Mais hey, un velo qui a pas de dents, c'est génial. Non, qui aurait simplement une dent et la dent branlerait. T'imagines la... Tu vois, c'est à breveter, ça. Une seule... Là, et qui... Sur la... Une dent en mousse, une dent en mousse. Quel rêve, chérie. Quel bonheur. Si ça pouvait exister. Ah, moi, j'aimerais bien un petit 200. Ah bon? Ah oui, sur ma pension. Oui, d'invalidité. De... Qui veut ça? Ouais. C'est un petit... Alors donc, c'est un... ça t'a refroidi? Ouais, un peu, ouais, quand même. Mais bon, j'ai déjà eu une relation pourtant homosexuelle. Ah, tu nous dis ça, maintenant. J'ai déjà pris... Bon, j'ai un camarade qui est à côté de moi et c'est avec lui que j'ai une relation. Oui. Mais disons que là, que ça m'a gêné parce que, bon, elle m'attirait. Oui. Mmh. Mais sur le coup, ça m'a fait drôle. Et le problème, c'est que je dois la revoir. Enfin, c'est-à-dire que ça t'a fait drôle parce que tu étais surpris, en fait. Ouais, surpris. C'est l'effet... Si elle t'avait dit, au fond, tu sais, je suis pas une fille tout à fait comme les autres, nananana, et qu'elle te fasse comprendre, là, ça aurait été... Il y aurait pas eu de choc, hein. Peut-être qu'il y aura pas eu le choc, non? Eh oui, c'est ça. Et finalement, ça t'aurait pas déplu. Bah non. Bon, la relation homosexuelle, ça fait à peu près un an et demi. Et tu as été visité par derrière? J'ai été visité, surtout visité par mon camarade, donc à côté de moi, je le passerai tout à l'heure. Oui. Depuis, j'ai visité, j'ai eu des relations avec des filles. Oui. Bon, et là, ça a été un peu... pas une claque, mais bon, ça, c'est une surprise, quoi. Oh, bah, t'aurais pu, hein, continuer, tu sais. Bon, je la revois dans 2 jours, en fait. Bah, tu vas la gagner. Oui, mais il faut la revoir et il faut que tu l'aimes. Parce que c'est certainement un être fragile. Ouais, mais en bas, elle est pas si fragile que ça, là, pour ce que j'ai vu. Oui, bah dis donc, quand tu te prends ton copain par derrière, c'est pas plus fragile, hein. Et en plus, elle est peut-être féminine, j'en sais rien. De tête, elle a une bonne bouille. Bon, c'était la soirée. Pire pas ça. T'étais bourré, non? Un peu, ouais. Mais, elle a une bonne gueule, ouais. Et sympathique. Sympathique, ouais. Mais... Et qu'est-ce que t'aurais fait? Tu te serais fait sucer? Tu l'aurais enculé? Tu te serais fait enculer? Bah, qu'est-ce que j'aurais fait? Je sais pas, justement, je sais pas ce que je vais faire. Est-ce que tu pourrais, par exemple, la branler? Avoir sa bite dans ta main? Je sais pas. Avec... Parce qu'en fin de compte, c'est une femme. Bah ouais, mais... Ah, ça, c'est un problème. Bon, je veux dire, j'ai déjà fait ce genre de choses avec mon camarade. Oui, oui. Mais disons que, ouais, avoir une bite dans la main, puis en fait, regarder le joli petit visage... C'était bon, faut dire. Il y a... Je sais pas, ça... Il y a antinomie. Ouais, il y a paradoxe. Il y a paradoxe. Eh ben, ce paradoxe peut justement faire le poivre et le sel de la chose. Jamel, mon quatrième assistant, vient d'opiner du chef en disant que oui. Il a censé un peu de cuisinier, d'ailleurs. Et tu aimerais... Une tête de veau avec un cochon, avec une queue de cochon, il trouve que c'est très joli. Tu aimerais tout simplement te confesser ou rencontrer des camarades? Non, c'était juste pour me confesser. C'était un témoignage sur cette... À la limite, pour avoir un petit conseil, enfin bon... Y a deux conseils, ou t'en as envie ou t'en n'as pas envie. Mais tu en as envie de toute façon. À mon avis, t'es attiré par ça quand même. Il y a le petit visage qui m'attire, mais... Mais tu as été surpris. Ouais, surtout surpris. C'est ce qu'on appelle le mélange des genres. Et bien le mélange des genres, c'est ce qui fait le succès de tout. Bien bon, je suis déjà passé par là, je suis passé à la casserole, quoi. Ouais, c'est très bon. Ce serait plus compliqué, si tu veux, pour un mec qui n'a jamais connu ça. Ouais, mais disons que j'ai perdu... Ta virginité, ton passeport, ton argent, t'as perdu quelques plis. J'ai perdu quelques plis, ouais. C'est tout ça, un trou du cul. Tu sais comment il a deux plis. Ouais, 36, non. 36. Ouais. Maintenant, tu dois en avoir plus que 28. Oh, bah avec une bonne... Si tu te reposes pendant 2 ans, tu vas peut-être les retrouver. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que j'ai arrêté en plus pendant, à peu près un an. Voilà. J'ai connu des filles. Et là, c'était dans la même voie. Mais là, je suis dans deux voies, en fait. Et quand tu te branches, c'est merveilleux, tu penses à quoi, chérie, tu sais tout, t'as tout d'un coup. Moi, je pense que tu devrais essayer. Ouais. Et puis après, tu vois avec lesquels tu jouis le mieux. Et puis si tu jouis bien avec les meufs et puis les vélos, tu te fais les deux. Ouais, ouais. Bah tiens. Mais si t'aimes les deux, je suis sûr que tu feras deux choses différentes. Parce que si tu vas avec une meuf... C'est meilleur avec moi, c'est meilleur. Ouais, il y a mon copain qui dit que c'était meilleur avec lui. Et si tu vas avec une meuf qui a une teub, c'est que tu vas pour la teub. Ah bah ouais. Non, pour un ensemble. Il vient pour la mienne. Hein? Il vient pour la mienne. Ah ouais, tu le cannes bien? Ouais, mais bien sûr. Je vais vous le passer. Tu mets bien dans ses soffets. Bonsoir. Ça va? Ouais, ici c'est Bidoc. Bonjour Bidoc. Oui, alors c'est un pseudo. Mmh. Alors moi je me suis occupé de Jacques pendant exactement un an et demi. Ouais. J'ai été avec lui. Je suis un peu fait son éducation. Ouais. Et il aimait ça, mais il a voulu toucher à la Daisy. Ouais. Moi je lui ai dit va toucher à la Daisy. Moi aussi j'ai touché aux filles.